Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouveau hors-série de La Courte Échelle. Chaque semaine, La Courte Échelle vous propose les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles. Les hors-séries sont là pour nous remémorer les titres découverts dans les deux saisons précédentes. C'est avec Archie Lee Hooker, qui n'est autre que le neveu de John Lee Hooker et son groupe The Coast to Coast Blues Band, que va démarrer cette émission avec Living in Memory. Patrick Solvay, que nous avons découvert dans La Courte Échelle avec Qui sont les filles que l'on va écouter, a dans ses chansons un humour assez décalé, la preuve, sa dernière production, j'étais content, vous l'avez découvert dans les dernières émissions de La Courte Échelle. Les chagrins d'amour ont toujours inspiré le poète, du plus ringard au meilleur, du gendarme au voleur, et rien ne les arrête. Fais quelque chose pour moi, docteur. Mais qui sont les filles pour qui écrit mes chansons d'amour. Mais qui sont les filles pour qui l'on écrit mes chansons d'amour? Des filles incertaines aux ronsards dévouées, un télo féministe, des Beauvoirs t'as qu'à croire, Lolita improbable et Géry de Gainsbourg, ou des roots tatouées, les cheveux au henné. Mais qui sont les filles pour qui on écrit les chansons d'amour? Mais qui sont les filles pour qui on écrit les chansons d'amour? Qui nous jette, qui nous tue, qu'on n'oubliera jamais, que l'on pleure chaque nuit à savoir qu'on se ment, ont brisé les plus grands, déchiré les talents, planté des saules pleureurs avec mon seul regret. Mais qui sont les filles pour qui on écrit les chansons d'amour? Mais qui sont les filles pour qui on écrit les chansons d'amour? Quelqu'un de bien proche, doucement, en silence, que l'on n'a jamais vu, mais que l'on imagine, ce sourire lumineux d'une photo anonyme, mais que l'on n'ose pas par peur de conséquences. Mais qui sont les filles pour qui on écrit les chansons d'amour? Mais qui sont les filles pour qui on écrit les chansons d'amour? En lisant le press-kit du groupe, on apprend que Vox Fractal est un groupe de rock folk expérimental colombien qui adapte des éléments de la musique ethnique et traditionnelle pour les rassembler dans un format alternatif en explorant des nouveaux langages musicaux à travers des guitares électriques et des tambours ethniques. Perpetuo Sol, voilà Vox Fractal. Yeah. recopilando los vestigios y volviendo los canciones en eternos lienzos rotos de una perpetua. Campos est originaire d'Arles, il a grandi avec de la musique gypsy dans les oreilles, la voici avec Are We Happy? La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Restez dans le même style musical, la voici Singrid Campion avec Amor Te Amo. Amor Te Amo, ma mémoire afin d'écrire une autre histoire. Partir sans se retourner, tirer un trait. Te tengo en mi corazón, tú me haces perder la razón. Tú eres la luna y yo el sol. Darme tu plus jamais sentir ton corps se blottir de plus en plus fort. Ne plus partager tes nuits blanches ni tes dimanches. Amour, t'es amour. Amour, t'es amour. Amour, t'es amour. Quelques mois après son hommage à John Lennon, Private Pepper revenait avec It's a Jungle. Up. When we wake, it'll be too late. We'll have je te la prête. Il faut que je te la prête. It's a jungle out there. It's a jungle out there. Vous écoutez La Courte Échelle chaque semaine des talents à découvrir. Notamment le groupe Crumble. Il me semble, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, qu'aux dernières nouvelles, le groupe se soit dissous. En tout cas, ça nous permet ici de retrouver un de ses premiers titres avec Jenny. Danny Hogan est depuis le début de La Courte Échelle dans nos programmations. Le voici avec un de ses titres avec lequel on l'a découvert, c'est le Trace ma route. Pas à pas sur le bitume, je chemine. mes pensées comme une enclume. Je rumine, je laisse chagrin au long cours s'épancher au pied de mes souliers lourds et crever. À mesure que la route file et défile l'horizon de jours meilleurs se profile sur le sol en terre battue. J'évolue, mes pensées comme une massue ne sent plus. Qu'importent les épreuves, les cailloux du chemin, moi j'avance toujours, toujours, toujours plus loin. Qu'importe les méandres, les frasques du destin, pas à pas, moi je trace mon sillon, mon chemin. J'entends le chant des oiseaux qui s'éveillent, l'espérance d'un jour nouveau, d'un soleil. Mon pas marque la cadence et je pense que ma vie est une chance. Et j'avance sur les chemins de traverse, dans les rues je vais où mon cœur me berce d'absolu. Moi j'avance à la lueur de mon cœur. Je trace la route du bonheur, du bonheur. Qu'importe les épreuves, les cailloux du chemin, moi j'avance toujours, toujours, toujours plus loin. Qu'importe les méandres, les farces du destin, pas à pas je trace mon sillon, mon chemin. Y'a plus de doute, je trace ma route. Face du destin, pas à pas, moi je trace mon sillon, mon chemin. J'ai fait l'amour à un fantôme, mis dans de drôles de draps. Je voulais accrocher nos atomes pour qu'il me prenne entre ses bras. Espoir m'a noyé les méninges, j'ai cru qu'il était là pour moi. Je suis restée blanche comme un linge, toute nue et dans un sale état. J'ai fait l'amour à un fantôme et j'ai pris froid entre ses bras. J'avais dans le cœur les symptômes du bonheur qui ne dure pas. J'aurais tout fait pour le garder, un jour de plus, une heure encore, sur le drap pour ne pas le froisser. Je me suis allongée au bord, il est passé en courant dans mon lit, en courant d'air, et m'a laissé en partant comme un goût d'amande amère. Il est passé en courant dans ma vie, en courant d'air, et m'a laissé en plein vent, sans envie, sans s'en faire. Mon fantôme, j'ai fait l'amour à un fantôme, sans un s'est envolée. Je me retrouve seule comme un mot qui n'a pas appris à voler. J'ai ouvert en grand la fenêtre au cas où il voudrait rentrer, et sans vraiment le compromettre, je lui demanderai de flotter. Il est passé en courant dans mon lit, en courant d'air, et m'a laissé en partant comme un goût d'amande amère. Il est passé en courant dans ma vie, en courant d'air, et m'a laissé en plein vent, sans envie, sans s'en faire. Risquer ma soie pour du coton, lui dire et toi c'était un homme, reviens dormir dans ma maison. Mon fantôme, mon amour de fantôme. Mon amour de fantôme, c'était Agatsé. Mon fantôme. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. C'est toujours plaisant de voir quand les artistes sont découverts dans la courte échelle, qu'ensuite leur carrière suit son petit bonhomme de chemin et que ces artistes vous plaisent. C'est le cas notamment pour Antoine HLT avec Végétaria. Oh, je dois vous faire une petite révélation. Je ne mange plus, c'est clair. Aucune viande sans façon, prise de conscience, aventure personnelle, curiosité des sens, fin d'une vie plus belle. Ouais, en fait, tu manges plus rien, quoi. Végétarien, ni goût ni festin, tu nous ennuies avec tes radis. Laisse-nous bouffer un bon petit charret, ton bel idéal, ça sert à que dalle. Mais je peux vous faire le détail de mon menu d'hier. Avocat, concombre en smoothie, puis samoussa au tahini, snack et de soja, comté du Jura, muffin en clôture, vous auriez aimé, c'est sûr. Ouais, enfin, les végétariens, ils ont tous des carences. Végétarien, t'es même pas malin, tu nous prends le chou avec ton tofu. Laisse-nous nous faire un hamburger, ça c'est pour les forts, toi va-t'en dehors. Mais je peux vous faire un excellent hamburger avec un steak, légumes fumés, sauce agave et relish sucré, tomates et salade entre deux tranches de pain, fromage en surplus, c'est fort goûtu. Ouais, bon, tu sais, les carottes au ciel, elles ont mal quand on les arrache. Végétarien, t'as même pas de copain, franchement t'es grave avec tes betteraves. Laisse-nous qu'on se mette 5 ou 6 côtelettes, la viande c'est la vie si t'as pas compris. Mais je peux vous faire frétiller couteaux et cuillères, cahier curry de haricots, colombo riz, lait de coco, champignons farcis, marquise de sarlat, mocha chocolat. Je vous ai bien lu là. Ouais, enfin on va quand même pas brouter de merde. Végétarien, t'as même pas de boudin, tu nous fascines avec tes racines. Laisse-nous qu'on graille nos pauvres volailles, nous les ouvre. On n'a rien à faire. Mais je peux vous faire avaler vos pique-niques à la mer, pour poires et truffes une bonne tarte, bazooka maquis pour l'éclate, courge au courbouillon, patate entre oignons, asperges flambées, là c'est sûr, vous allez déguster. Ils sont cinglés, ces végétariens. Végétarien, t'as même pas de requin, tu nous les brises avec tes cerises. Laisse-nous qu'on se dort, ils se douce pieds porcs. Nous on aime trop ça, si va que toi là. Végétarien, non vraiment t'as rien, non t'as rien vu. vous avez fini avec vos salades. Elle était avec nous dans la première saison de La Courte Échelle. Elle nous vient de Belgique. Elle s'appelle Ludivine Broet. La voici avec Seul au monde. Christophe Ravet, lui aussi, était avec nous au début de l'émission La Courte Échelle, l'émission hebdomadaire. Ça marche très bien pour lui, puisqu'avec les Rolling Sonotones, c'est son groupe, eh bien, ils viennent de terminer l'enregistrement de leur troisième album. On le découvrira bientôt dans l'émission hebdomadaire de La Courte Échelle. Voici Christophe Ravet et les Rolling Sonotones avec les ouvertures faciles. Souviens-tu des clés sur les boîtes de sardines? Fallait tourner, tourner pour manger les sardines. Te souviens-tu encore des bouchons d'eau de Javel? Tu tournais sans effort, tout vrai, c'était nickel. Mais ça, c'était avant. Les ouvertures d'à présent. te souviens-tu facile des paquets de gâteaux? Tu déchirais sans fil le papier illico. Mais ça c'était avant. Les ouvertures d'à présent, c'est difficile. Les ouvertures faciles, c'est ennuyant. Si c'est facile en l'ouvrant, c'est difficile. Les ouvertures faciles, c'est ennuyant. Si c'est facile en l'ouvrant. Souviens-tu des piles qu'on changeait facilement? De vis un tournevis, on ouvrait leur logement. Mais ça c'était avant. Les systèmes après c'est tout en glissant. Te souviens-tu encore des barres chocolatées? On ouvrait sans effort leur papier argenté. Te souviens-tu maintenant des maudits pointillés? Qu'on craque avec les dents, impossible à déchirer. C'est difficile, les ouvertures faciles. C'est ennuyant, si c'est facile en l'ouvrant. C'est difficile, les ouvertures faciles. C'est ennuyant, si c'est facile en l'ouvrant. Te souviens-tu, dis donc, de tes premiers rendez-vous? Les filles te disaient non, mais pas Sandrine pour le coup. Le les ouvertures faciles, c'est ennuyant si c'est facile en l'ouvrant. C'est difficile, les ouvertures faciles, c'est ennuyant si c'est facile en l'ouvrant. Te souviens-tu des clés sur les boîtes de sardines? Fallait tourner, tourner pour manger les sardines. Te souviens-tu encore des bouchons d'eau de Javel? Tournait sans effort, tout vrai c'était nickel. Mais ça c'était avant. Les ouvertures d'à présent, c'est difficile. Les ouvertures faciles, c'est ennuyant si c'est facile en l'ouvrant. C'est difficile. Les ouvertures faciles, c'est ennuyant si c'est facile en l'ouvrant. Comme quoi, quand le talent y est, on peut écrire et composer des chansons sur à peu près n'importe quel sujet. Jeff Bernicia est pianiste de jazz et chanteur. On l'a découvert dans la deuxième saison de La Courte Échelle, avec notamment Minuit Summer. Retrouvez tous ces artistes et bien d'autres chaque semaine dans La Courte Échelle. Je voyais danser corps à corps et les vapeurs d'alcool infinies. Alors je jouais pour ces âmes folles tous les accords des étés, de ces nuits. Minuit summer, toujours à faire du zèle, melted blonde à ma folie. Autour de toi, minuit. Elle glisse, les heures complices des interdits. Et j'entends crier, minuit sonne. Les peurs, les joies qui envahissent les rues la nuit. En minuit sommes alliés fidèles, un peu beaucoup à la folie. En minuit sommes toujours à se faire la belle. Melted blue note à ma folie. Sombre, le moissonneur compte les ombres, Oh minuit Sam, toi tu m'en sorcelles. Je tourmente à la folie. Oh minuit Sam, toujours à faire du zèle. Moi je dis why not à ta folie. Lui aussi est avec nous dans la courte échelle depuis la première saison. Il s'appelle Deep Cool. Avec Hier à La Serena, c'est avec ce titre que vous l'avez découvert. Ça se danse avec les pieds, les mains, le cœur. Pisco et fils, c'est du bonheur. Comme une marmite pleine de chaleur. La salsa se chante avec la voix du fond du cœur. Tout seul à deux. La musique du bonheur. La salsa se danse

y a du bruit dans mon esprit. C'est pas le camion poubelle qui passe, c'est pas le radiateur qui trépasse. Les attaques viennent de partout. Et résonne dans ma calebasse. Je veux du calme, je veux du silence, je veux du calme, marre du spam, je veux des vacances. C'est pas le chat que les enfants pourchassent, c'est pas mon homme qui casse sa tasse. Mais je te jure que je suis pas folle, j'entends des voix, j'entends des voix qui jacassent. On se retrouve très bientôt pour l'émission hebdomadaire de La Courte Échelle qui vous présente les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles. Et on se retrouve également très bientôt, j'en suis sûr, pour un nouveau numéro hors-série qui vous propose de retrouver les souvenirs de La Courte Échelle depuis 3 saisons. En attendant, soyez heureux, à très bientôt. Je veux du calme, je veux du silence, je veux du calme, marre du spam, je veux des vacances. Votre instant d'évasion, La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.